بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue les frères pour ce 9e cours dans l'explication de ce livre très important sur le sunnah, sur l'iman de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. ومعنا اليوم الحديث السابع عشر. Aujourd'hui, on a le hadith numéro 17. Le hadith numéro 17. L'auteur qui nous dit « Walahu » et donc est rapporté dans son recueil, c'est-à-dire l'imam muslim, « Rahimahullahu ta'ala »« An Abi Hurairata radiallahu anhu marfu'an » Selon Abi Hurairata radiallahu anhu, une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: si le musulman, si le croyant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme châtiment, alors personne n'aurait espéré son paradis. Et si le mécréant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme miséricorde, alors personne n'aurait désespéré de son paradis. Fara'ina fi mamada si'ata rahmatillahi ta'ala. Nous avons vu lors des cours précédents le caractère vaste de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. وهذا الحديث كذلك متعلق بهذا الموضوع. Et ce hadith aussi il est lié à ce même sujet. إلا أنه يجمع بين أمرين. Sauf que ce hadith il rassemble deux points. وكثير من الناس ينسون هذين الأمرين. Beaucoup de personnes oublient ces deux points. Beaucoup de personnes. هذا الحديث يجمع لنا بين الرجاء من رحمة الله تعالى والخوف من غضبه ومن عقابه. Et donc ce hadith il rassemble le fait d'avoir espoir, d'espérer la miséricorde d'Allah Ta'ala et le fait de craindre son châtiment. لو تأملنا أيها الإخوة أنا ذكرت لكم سابقا أن النصارى وقعوا في هذه المسألة. J'ai déjà cité plusieurs fois ici que les chrétiens sont tombés, se sont trompés nettement dans ce sujet. وَهُوَ الْخَوْفُ مِنْ عَذَبِ اللَّهِ تَعَالَى. La crainte concernant le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. À tel point qu'ils ne connaissent pas les châtiments qu'il y a dans l'enfer. Ils ne connaissent pas. Cela n'est pas dans leur livre. Il n'y a pas suffisamment d'informations chez eux concernant l'enfer. Cependant, le paradis, c'est pour eux maftouh. Le serviteur, il peut faire tous les péchés à partir du moment où il a été baptisé et il croit que Jésus est mort sur la croix. C'est fini. C'est bon, tu as fait ce qu'il fallait. Et donc, ça, c'est une erreur dans laquelle les chrétiens sont tombés. Taïb, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam nous a montré quelque chose de très important et de très dangereux. Vous allez suivre les traces de ceux qui étaient avant vous. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dedans. Al-Yahoud wa Nasara, ya Rasulallah. Faman. Les compagnons, ils ont dit, les juifs et les chrétiens, oh messager d'Allah. Le prophète, il a dit, qui d'autre? Regardez aujourd'hui la situation des musulmans. Le nombre de péchés dans lesquels nous sommes. Et à chaque fois, Wallahu Rafur Rahim. Allah, il est pardonneur, miséricordieux. Allahu Rafur Rahim. Allah est pardonneur, miséricordieux. Et parfois, il y en a qui nous sortent un autre. Allahu Ghalib. On entend souvent ça. Allahu Ghalib. Allah, il a le dessus. Qu'est-ce qu'Allah t'a forcé à faire ça? L'acte que tu as fait, tu le mets sur la faute d'Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut se rappeler, Allahu Ghalib, il a le dessus sur toute chose. Il est donc très dur en punition. Personne n'a le dessus sur lui, tabaraka wa ta'ala. Fait, الذي يجب علينا أن نفهم أيها الإخوة أن المؤمن يجب عليه أن يستحضر هذين الأمرين في كل وقت. Et donc il est obligatoire de comprendre, ô mes frères, que le musulman, il doit se rappeler de ces deux sujets, de ces deux points à tout instant. À tout instant, tu dois te rappeler de ça. El khawfu والرجاء. La peur et l'espoir. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. Si le croyant lui-même, il savait le châtiment qu'il y a auprès d'Allah, le croyant, personne n'aurait espéré de rentrer au paradis. لماذا من شدة الخوف. Tellement il aurait peur. Tellement il a peur. S'il voit le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'espère même pas entrer au paradis. El kafir law ya'lamu ma inda Allahi min ar-rahma ma tami'a bi jannatihi ahad. Ma kanata, excusez-moi. Ma kanata min jannatihi ahad. Le kafir, l'incroyant, s'il savait qu'est-ce qu'il y a auprès d'Allah comme miséricorde, tellement la miséricorde d'Allah Ta'ala est vaste, personne n'aurait désespéré de sa miséricorde. Il faut rassembler les deux. Il faut rassembler les deux. Fala tughallib al-khawf ila daraja annaka la tarju min rahmatillah wa tadhun annaka halik. Et donc, ne donne pas le dessus à la crainte du châtiment d'Allah à tel point que tu n'espères plus bénéficier de sa miséricorde parce que tu penses que ça, c'est bon, tu es dans la perdition. Tu es fini, c'est bon. وَكَذَلِكَ لَا تُغَلِّبْ جَانِبْ الرَّجَاءِ حَتَّى تَظُنَّ بِنَفْسِكَ أَنَّكَ آمِنْ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ. Et aussi, ne donne pas le dessus à l'espoir, l'espérance de la miséricorde d'Allah, à tel point que tu penses que c'est bon, toi, tu es préservé. Une fois, il y a un frère, il m'a posé une question. Yahi, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les frères ne sont pas motivés pour apprendre. Pourquoi est-ce que les frères ne sont pas motivés pour les actes d'adoration surérogatoires. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de nos frères, mashallah, à la sunna, qui n'ont pas cette motivation? Et le problème, il est où? C'est que ces personnes-là, lorsqu'ils ont connu le manhaj salafi, on leur a dit, c'est la voie de vérité. C'est la voie de vérité. Si tu suis la voie des sahaba, la voix des pieux prédécesseurs, tu es sur la voie de vérité. Ils se sont dit, khalas, wasolt, c'est bon, je suis arrivé. Alhamdulillah. Je vais aller au paradis, il faut que je dise, je suis salafi. C'est pas comme ça. Salafi, c'est pas une appellation, tu marches pas sur toi avec une étiquette marquée salafi. Tu marches pas sur toi avec un sac, c'est marqué salafi. Il n'y a pas marqué salafi ici sur ton front. Beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi la salafia. Certaines personnes ont peur de ce nom. Certaines personnes aiment ce nom mais ne savent pas ce que c'est. La salafia, c'est l'islam. C'est l'islam. Annaka tamshi ala tariqati haula, que tu œuvres et que tu avances sur la voie des pieux prédécesseurs, des compagnons, parce que Allah tabaraka wa ta'ala أوجب علينا اتباع هؤلاء. Parce que Allah Azza wa Jalla nous a rendu obligatoire de suivre leur voie. إن لم تكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأنت تتبع من. Si tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, tu suis qui? Qui vas-tu suivre? Tu vas suivre Abdul Karim? C'est fini. Tu vas suivre qui? Qui vas-tu suivre? Et donc tu dois suivre ces gens-là. Ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah il les a agréés, eux il les a agréés, et eux ils l'ont agréé. Ça c'est bon, c'est fini. Tu veux que Allah t'agrée? Voilà, suis ces gens-là. Mais maintenant, est-ce que suivre ces gens-là, ça veut dire je dis que je les suis et tu restes assis, tu fais rien? Tarju rahmatallah wa la takhafu adabahu. Tu espères la miséricorde d'Allah mais tu n'as pas peur de son châtiment. Regarde comment ces gens-là, les compagnons, ils avaient peur du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Bakr, khayru hadhihi al-umma. Abu Bakr, le meilleur de cette communauté. À tel point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Abu Bakr pour le remplacer, Aïcha, elle a dit Hua Bakka, il pleure beaucoup. Où sommes-nous, nous, lorsqu'on lit le Coran? On a la tête ailleurs. Mais par contre, Salafi, il faut qu'on apprenne c'est quoi la Salafia, c'est quoi l'islam. Il faut qu'on apprenne. أخرج الترمذي في الجامع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد إلا نعم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا ما طمعا وآمنه مما خافا. الترمذي cite dans le Jami. Il cite dans le Jami'a rahimahullah, selon Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter un jeune qui attendait la mort. Un jeune qui était sur le point de mourir. Faut pas qu'on se trompe, nous les jeunes. La tartarru bisinnikum, ne soyez pas trompés par votre âge. Ne pensez pas qu'il y a ici, oui, ah, lui, là, la barbe blanche, il est plus proche de la mort que moi. Anta la tadri, tu ne sais pas. Ne te dis pas, Inch'Allah ou ta'ala, les nawafil. Bon, déjà, j'ai compris, alhamdulillah, il faut suivre la voie des sahaba. Les nawafil, Inch'Allah, je vais commencer, biznillah, un peu plus tard. Tu peux commencer maintenant, commence maintenant. Commence maintenant, n'attends pas. Tu ne sais pas, anta la tadri meta setamut. La ta'arif hel setashir. Tu ne sais pas si tu vas vieillir. Fabda min al-an. Commence maintenant, ta'allam. Il faut arrêter ce taswif. Saoufa, saoufa, saoufa. Je vais faire, je vais faire, je vais faire. Inch'Allah, je vais apprendre l'arabe. Inch'Allah, d'abord je me concentre sur mon projet, rassembler un peu d'argent, et ensuite je vais partir biiznillah une année sabbatique pour aller apprendre l'arabe. À chaque fois qu'un frère me dit ça, je lui dis déjà, je connais comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Tu veux partir? Pars maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Tu veux apprendre? Apprends maintenant. Ok, d'accord, tu me dis que tu vas partir, tu veux économiser avant de partir pour apprendre. D'accord, mais qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre pendant que tu es ici? Qu'est-ce qui t'empêche? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est allé visiter ce jeune qui était en train de mourir, le prophète lui a dit, comment est-ce que tu te trouves? Dans quelle situation est-ce que tu es? Il a dit, par Allah, ô messager d'Allah, j'espère Allah, c'est-à-dire j'espère la miséricorde d'Allah, mais j'ai peur de mes péchés. El-Raja ou Al-Khawf. L'espérance et la peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant ces deux caractéristiques ne sont réunies chez quiconque dans cette situation, la mort, dans cette situation, sans que Allah Ta'ala lui accorde ce qu'il veut et qu'il le préserve contre ce à quoi il a peur, contre ce de quoi il a peur. Subhanallah. فَيَجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَن نَجْمَعَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ. Et donc il nous est obligatoire à tous les frères de rassembler ces deux caractéristiques. Ces deux caractéristiques, tout le temps. T'espères la miséricorde d'Allah et tu as peur de son châtiment. وَهَذِهِ تَرْبِيَةٌ قُرْآنِيَّةٌ. Et ceci est une éducation coranique. C'est une éducation coranique pour toute personne qui médite le Coran. Qui lit le Coran et qui médite, il trouvera cela dans le Coran. فَكَمْ تَجِدُوا فِي الْقُرْآنِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَذْكُرُ النَّارِ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَنَّةِ. Comme sont nombreux les passages dans le Coran, très nombreux durant lesquels on voit Allah Tabaraka wa Ta'ala qui cite l'enfer. Et après, il cite le paradis. Allah Ta'ala qui dit « Wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlima fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin wa bashshir alladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et donc Allah Ta'ala qui nous dit, et si vous aviez quelconque doute, si vous avez quelconque doute concernant la révélation que nous avons faite à nos serviteurs, alors venez avec une sourate identique à ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et appelez tous vos témoins, tous ceux qui peuvent vous aider pour cela, ramenez tout le monde, tout ce que vous pouvez pour vous aider. Mais si vous n'y arrivez pas, et vous n'allez pas y arriver, alors méfiez-vous du feu dont le combustible sont les hommes et les pierres, qui a été préparé pour les mécréants. Et annonce la bonne nouvelle. Et annonce la bonne nouvelle ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions. La bonne nouvelle du paradis, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans beaucoup de passages, il va citer l'enfer et le paradis. El khawf wa raja. Tu as peur de son châtiment, tu espères sa miséricorde. Tu dois tout le temps avoir ça avec toi, au serviteur d'Allah. Thumma, Allah Tabaraka wa Ta'ala athna ala haoula. الذين يجمعون هذين الوصفين في عبادتهم. Allah Ta'ala, il a fait l'éloge de ces gens qui vont rassembler ces deux caractéristiques dans leurs adorations. Lorsque tu pries, ne prie pas en te disant Alhamdulillah, Mashallah, sur la sunna, c'est bon, khalas, ma prière obligée, elle est acceptée, j'ai lu le livre Sifat al-Salat de Cheikh Al-Albani, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Al-khawfu wa-raja, la peur et l'espoir. Tu espères qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fasse miséricorde, il accepte ton acte d'adoration. Et tu as peur que ton acte d'adoration ne soit pas accepté. Ne te sens jamais préservé. Ne pense jamais que tu es arrivé, ça c'est bon. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge de ceux qui rassemblent ces deux caractéristiques lors de l'adoration. Allah Ta'ala qui dit dans son livre Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils s'arrachent du lit. Ils s'arrachent, c'est vrai, c'est bien de rester dans le lit le soir. Il fait froid sous la couette, on est au chaud. Non, c'est difficile. Tu te lèves du lit, tu t'arraches de ce lit, il t'appelle à rester dedans, mais toi tu le délaisses. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ils s'arrachent du lit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils invoquent leur Seigneur par crainte et espérance. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. et de ce que nous, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ici, il y a un problème que vous allez résoudre, Inch'Allah. J'ai dit, Allah Ta'ala, il a fait l'éloge de ceux qui rassemblent ces deux caractéristiques dans leurs actes d'adoration. Ici, qu'est-ce qui a été cité comme adoration? Qu'est-ce qui a été cité? Ad-du'a. Yad'ouna Rabbahum. Ce qui a été cité, c'est Ad-du'a, l'invocation. Comment ça se fait qu'on utilise ce verset pour dire tous les actes d'adoration? Bah, tous les actes, c'est des doigts. Tous les actes, c'est des doigts. Bah, oui. Explique-moi ça. Bah, quand tu fais la prière, c'est doigts. Quand tu donnes la zakat, c'est doigts. Bah, c'est parti de... Tu espères le travail pardon tes péchés avec ça. Mais, et donc, la zakat, c'est doigts. C'est une vocation dans leur patala. C'est dirigé vers Allah. Est-ce que c'est un doigts ou pas? Bon. Oui ou non? Oui, c'est... Hein? Oui ou non? C'est une doa, bien sûr. Non, je n'ai pas demandé est-ce que tu fais une doa. J'ai demandé est-ce que la zakat, c'est une doa. C'est une doa, bien sûr. C'est une doa. Non. Parce que quand tu donnes, Allah te préserve de non. toute chose. C'est une doa. On a deux types de doa. Doa mas'ala, doa ibada. Doa mas'ala, le fait que tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, ya razzaq, tu demandes à Allah, oh Allah, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Doa mas'ala, doa ibada. Tous les actes d'adoration que tu vas faire. Tous les actes d'adoration que tu vas faire, ça s'appelle du'a. Limada summiyat al-ibadatu du'aan. Pourquoi est-ce que l'adoration a été appelée du'a? Li'anna al-'abda hinama yakumu bi hadhihi al-'ibada ka'annahu yad'u rabbahu an yataqabbala minhu wa an yudkhilahu al-janna bi hadhihi al-'ibada. Pourquoi est-ce que l'adoration a été appelée du'a? Parce que le serviteur, lorsqu'il va accomplir cet acte d'adoration, c'est comme s'il implore son Seigneur en lui demandant d'accepter cet acte d'adoration et de le faire rentrer au paradis par cet acte d'adoration. À chaque fois que tu viens prier, chaque prière que tu fais, tu espères que cette prière soit une cause que tu rentres au paradis. C'est pas une prière que tu veux faire dans le vent. Chaque prière que tu fais, chaque acte d'adoration, c'est comme ça. C'est comme si c'est une invocation que tu fais à Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, accepte de moi. Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par cet acte d'adoration que je fais pour toi. Idhan yajibu alayna an najma'a hadhayn al-wasfayn fi al-ibada. Et donc il nous est obligatoire, ô mes frères, de rassembler ces deux caractéristiques lorsque nous faisons un acte d'adoration. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa lil-Bukhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. L'auteur il nous dit ensuite, et selon Al-Bukhari, rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que la partie supérieure de la sandale. La partie supérieure de la sandale, celle qui est au-dessus du pied. C'est ce qui est voulu ici. Et donc, le paradis est plus proche de toi que cette partie de la sandale. Et l'enfer aussi. Et l'enfer aussi. Cela nous montre comment le paradis et l'enfer sont proches du serviteur. Comment ça? Comment ça le paradis et l'enfer sont proches donc du serviteur? لأن الإنسان إذا مات فدخل في الجنة أو النار. Car l'enfant, l'être humain, s'il meurt, c'est paradis ou enfer. لأن القبر الإنسان إذا وضع في قبره فقبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Car la personne lorsqu'elle est morte et qu'elle est rentrée dans sa tombe, alors sa tombe c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Et donc dès ta mort, c'est paradis ou enfer. Taïb, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. La tadri. Quand tabda'u hada dars, wa la tukmilu. Tu peux commencer ce cours-là qu'on fait actuellement et tu ne le finis pas. Quand tadkhulu fil masjid, wa la takhruj minhu illa mayyitan. Et c'est peut que tu rentres dans la mosquée et que tu ne sortes de la mosquée qu'en étant mort. Tu ne sais pas. La mort peut t'attraper à n'importe quel moment. Fafi hada al-hadith al-hadar min al-a'mal as-sayyi'a. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre toute mauvaise action. Liannaka la tadri meta sitamut, car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Fala taj'alu al-maut yufaji'uka wa anta fi ma'siyati Allah. Et donc ne laisse pas la mort te prendre par surprise alors que tu es dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Bel akthir min al-a'mal as-salihah. Mais augmente les bonnes actions. Wa tub ila Allah tabaraka wa ta'ala mimma mada. Et repens-toi à Allah tabaraka wa ta'ala de ce que tu as pu accomplir dans le passé. Et ce point-là aussi, il est essentiel de s'en rappeler tout le temps. Particulièrement les frères, les jeunes, les moins jeunes, à notre époque où les péchés sont si faciles. Rappelez-vous tout le temps, tu ne sais pas. Certains se disent, ah, je commence mon péché, inshallah ba'da dhalika atoub. Je commence mon péché et après, inshallah, je me repens. Anta la tadri, hal saytukmilu dhanbak aw la aslan. Tu ne sais même pas si tu auras le temps de finir ton péché. Et que la mort, elle te prenne au plein milieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout. Alors n'attends pas. Évite. Éloigne-toi de cela. Avant que tu regrettes par la suite. Concentre-toi à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Certes, Allah accepte le repentir de ceux qui accomplissent de mauvaises actions بِجَهَالَةِ, par ignorance. Comment ça se fait? Donc une personne accomplit une mauvaise action par ignorance, elle est pécheuse? Un homme qui accomplit une mauvaise action par ignorance, est-ce qu'il est pécheur? Ignorance, ça veut dire que lorsqu'il fait du péché, il est ignorant de la... Du châtiment? Taïb, quelqu'un aujourd'hui, non. Il vient me voir, il nous dit, j'ai volé. Je savais que c'était haram, mais je ne savais pas que c'était ce châtiment-là. Non, c'est pas ce que je dis, non. C'est pas ça. Le fait de faire le péché, c'est être en état d'ignorance. Le fait de faire le péché, c'est en état d'ignorance. Barakallahu fik. Détail plus. Je sais pas. Le fait de faire le péché, c'est en état d'ignorance. Pourquoi? Là. C'est pas ça. Chaque péché que tu vas faire, c'est en état d'ignorance. C'est sûr et certain. Pourquoi? Lianna l'abd. إن كان يعرف حقيقة ما يترتب على هذا الذنب ما وقع فيه. Car le serviteur, s'il savait réellement les conséquences de ce péché, il ne serait pas tombé dedans. Il ne serait pas tombé dedans s'il savait les conséquences de ce péché. Rappelez-vous ce qu'on avait vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disait, si vous saviez ce que je sais, vous n'auriez pas pris de plaisir ici-bas. Vous n'aurez pas pris de plaisir avec les femmes. Vous aurez beaucoup pleuré. Vous aurez peu rigolé. Même le fait de prendre plaisir avec sa propre femme, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il y a comme châtiment, tu as peur. Si le serviteur, il savait ce qui est lié à ce péché comme châtiment, il ne le fait pas. Ce qui fait qu'on tombe dans les péchés, c'est parce qu'on ne sait pas encore réellement quel est le châtiment qui est lié à ce péché-là. On entend des ahadiths, etc. On entend, mais tu n'as pas vu encore. T'as pas encore senti. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ceux qui vont faire ces péchés par ignorance. C'est ce qui est voulu ici par ignorance. Yatubuna min korib. Ils se repentent. Min korib. Tôt. Est-ce que ça veut dire que si tu fais le péché, tu dois te repentir une minute après? sinon 1 minute 30, t'es pas pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font les péchés et ils se repentent tôt, yatoubou namin korib. Comme le anyamout. Avant la mort. Ibn Abbas qui nous dit tout ce qui est avant la mort est proche, il nous dit Ibn Abbas. Et c'est là que tu te rappelles que le paradis et l'enfer sont proches de nous. C'est proche. Ne pense pas la tastabidul amr. Ne pense pas que c'est lointain. Non. Ne pense pas que c'est lointain. Mais rappelle-toi tout le temps que tu peux mourir à n'importe quel moment. Voilà ce que nous devons retenir de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, le dernier cours avant la pause. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.